Bonjour à tous, bienvenue sur Radioactive en cet début d'après-midi. J'espère que tout le monde va bien. Nous sommes aujourd'hui pour un nouveau rendez-vous, une nouvelle chronique où on va parler énergie renouvelable. Je suis avec Teddy et Julien. Bonjour les gars. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Bah ça va super bien, écoute. Pardon, je sors d'un rhume et voilà, mais bonjour Yann. C'est l'hiver en même temps, c'est l'hiver, t'as raison. Alors justement, rhume, chauffage, électricité, triangle autoconso. Énergie, production d'énergie et tout ce qui va avec. Exactement. Alors, parlons un petit peu du sujet qui nous intéresse. Vous allez nous présenter quoi dans la globalité dans cette émission, dans cette chronique ? Donc en fait, nous, on le voit tous les jours avec nos clients, on entend beaucoup parler de solaire, de transition énergétique, d'aide pour rénover sa maison, mais au final tout ça c'est un peu compliqué, tout le monde en parle mais personne comprend vraiment de quoi il s'agit, et nous on va essayer avec cette émission de rendre les choses plus simples. Carrément, ok, on est envahi d'appels aussi tous les jours pour nous présenter des panneaux solaires à installer, on sait pas ce qui est sérieux et ce qui l'est moins, donc ok. Teddy, tu veux rajouter quelque chose ? Non, je suis entièrement d'accord avec Julien. C'est vrai qu'on entend parler de beaucoup de choses. Il y a énormément même de démarchage téléphonique et tout artisan, tout corps de métier est confronté aujourd'hui à ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir expliquer simplement ce qui existe vraiment comme aide, ce qui est techniquement possible dans une maison, ce qui est préconisé, ce qui améliore le DPE, ce qui ne l'améliore pas. En fait, c'est de poser un peu, de pouvoir répondre à toutes les questions que les particuliers se posent pour rendre les choses le plus simple possible. On expliquera un petit peu tous les termes DPE et compagnie hein, qui sont dans le jargon qu'on entend beaucoup parler, hein, effectivement, mais des fois, on ne sait pas trop ce que c'est. Et puis, comment faire en sorte voilà, de passer d'un palier F à un palier A, si on a envie. Exactement. Ça peut être cool. Et précisément, aujourd'hui, on débute par quoi ? Alors, la première partie, ça sera donc de parler du solaire. Voilà, le solaire, c'est quoi au juste ? Donc, pour cette première émission, nous allons parler de panneaux photovoltaïques, car on entend beaucoup parler. Alors, on va commencer par la base. Hein. Le solaire, c'est tout simplement le fait de produire son électricité grâce à la lumière du soleil. Ça, c'est pour faire simple. Et donc, on installe des panneaux, alors souvent sur un toit qui capte cette énergie, donc du soleil. Et ensuite, on a un boîtier qui s'appelle un onduleur qui transforme cette énergie pour qu'elle puisse alimenter la maison et ses appareils électriques gratuitement au moment où il y a du soleil. Donc, ça transforme l'énergie qui est en courant continu en alternatif, c'est ça, l'onduleur ? Exactement. Ouais. Ça, c'est le rôle de l'onduleur. Ok. Et globalement, en clair, quand il fait jour, la maison se sert directement dans l'électricité produite par les panneaux solaires et quand on n'en produit pas assez, on vient simplement tirer le reste directement sur le réseau. Ok, sauf si on a des batteries, non ? C'est un deuxième facteur, effectivement, on peut également stocker son énergie, ce qui va permettre aussi d'utiliser l'énergie produite dans la journée, plutôt la nuit, le soir, le matin très tôt, enfin quand il n'y a pas de soleil. Ok. Et comme l'a dit Julien, en fait l'idée c'est de produire une partie de ce qu'on consomme soi-même, et avec ça donc on réduit sa facture, on est moins impacté aussi par les hausses de tarifs hein, d'électricité, quand il y en a une partie qui est gratuite, on est moins impacté par les hausses sur le reste de la facture du coup, et surtout on devient propriétaire d'une partie de son électricité. Et okay. Ça a quand même du sens. Alors comment ça fonctionne globalement ? C'est-à-dire que, par exemple, imaginons une journée de travail. Je pars au travail, donc j'ai mes panneaux photovoltaïques qui produisent de l'électricité, mais qui va pas me servir directement puisque moi je suis au travail. Est-ce que cette électricité, elle est quand même consommée par d'autres ? Est-ce qu'elle est revendue ? Comment ça Alors, passe ? Alors, cette électricité, justement, on en a parlé juste avant, il y a deux biais. Elle va être soit revendue puisque réinjectée sur le réseau et pas forcément utilisée par la maison, bien qu'il y aura toujours une partie qui sera utilisée par la maison, étant donné qu'on a ce qu'on appelle une consommation talon, c'est-à-dire que on a toujours des appareils dans notre maison qui consomment. Je pense au réfrigérateur, ouais. Je pense au congélateur. Les appareils en veille. Les appareils en veille, les box internet, etc. Ça, c'est un premier biais. Un second biais, ça va être de stocker cette énergie qu'on a en surplus finalement, ou alors simplement de la revendre. Ok. Et en effet, alors on a aussi la possibilité d'ajouter en parallèle un stockage batterie qui va servir un peu de volume tampon à son électricité. Pour que quand j'arrive le soir, je puisse bénéficier de ma propre électricité. Exactement. Ou alors de se dire qu'à midi 2, si on est en plein soleil et qu'à midi 5, j'ai beaucoup d'appareils qui se lancent, frigo, congélateur, et ben on peut aller chercher cette énergie qu'on avait il y a quelques minutes qui est du coup restée disponible chez nous. Et sinon, après, le courant du coup suit le chemin le plus simple, c'est-à-dire que s'il y a du surplus d'électricité, on alimente les voisins, ça sort de notre maison, et s'il en manque, naturellement, on va puiser du réseau. D'accord. Et quand il n'y a pas de soleil, ça produit quand même ? Alors, quand il n'y a pas de soleil, ça produit beaucoup moins. On entend, c'est vrai que dans les idées reçues, alors on entend beaucoup, oui, les panneaux ont juste besoin de lumière pour se lancer, on peut les installer au nord. Alors ça, non. Mmh. Effectivement, ils ont vraiment besoin de lumière, mais entre une vraie belle luminosité en été et une luminosité bien moindre en hiver avec une couverture nuageuse, on divise la production par 10. Donc, les panneaux solaires, pour être bien installés, ils doivent être bien orientés, bien exposés. Donc, toutes les expositions sont bonnes, sauf le nord, du sud, de l'est, de l'ouest. Il n'y a pas quelque chose qui est préconisé sur l'orientation pour maximiser la production ? Si on parle aujourd'hui d'autoconsommation, c'est un peu le sujet, on va favoriser soit une exposition plein sud, c'est ce qui va nous permettre de produire le plus possible sur une année, donc ça déjà c'est une très bonne orientation. Mmh. Et dans l'autoconsommation, on aime beaucoup aussi l'orientation est-ouest. Pourquoi ? Parce qu'on va un peu moins produire, c'est relativement négligeable quand même sur une année, on est moins de 10% d'écart. Hein. Et par contre, on va produire plus tôt son électricité, on va terminer plus tard, okay. Et du coup, on va maximiser l'autoconsommation. Plutôt que de produire beaucoup à midi pour revendre... Si on est dans mon cas de je vais au travail et j'arrive à 5-6 heures du soir, je peux bénéficier en fait de la production directement avec le soleil qui est encore là. Exactement. Enfin, et c'est en ce moment. C'est sûr qu'en ce moment, c'est pas l'idéal, mais c'est aussi tout l'art de bien étudier le projet. Ça s'étudie pas par téléphone. C'est de vraiment prendre le temps avec un installateur local, de prendre le temps de regarder l'orientation, l'inclinaison, le support et de voir par rapport à adapter le côté technique avec le côté pratique et ce qu'en attendent réellement les gens. Voilà, c'est ce qu'il faut faire. Pour que ça soit bien fait le photovoltaïque. Tu parles d'inclinaison, ça a une importance, et si oui, comment on gère ça sur une installation sur un toit par exemple ? Bah, en fait, sur un toit, sur une toiture, l'inclinaison elle est déjà donnée. Ouais, par la toiture. Il y a une inclinaison quand même relativement idéale sur les toitures. Chez nous, on a plutôt des inclinaisons dans notre région qui sont entre 35 et 45 degrés. Mmh. Donc, c'est une inclinaison qui est plutôt très bonne pour la production solaire. Ce qui est important, c'est que un maximum de temps dans l'année, le soleil soit parfaitement perpendiculaire à l'inclinaison, aux panneaux finalement qui sont installés, pour pouvoir avoir une production optimale. Ok. Mais il est aussi possible de se rapprocher d'inclinaisons presque plates. Alors on fait jamais du entièrement plat, mais on peut s'en rapprocher et ça vient pas non plus pénaliser. C'est toujours pris en compte dans les études. Hein. Mmh. C'est possible. On parle de très faible différence liée à l'inclinaison finalement. D'accord, ok, ça n'a pas une incidence plus que ça. Et le fait de l'installer en toiture, par terre, sur un carport, etc. Est-ce que quels sont les avantages et inconvénients de ces différentes solutions en fait ? En fait, ce qui compte réellement, c'est l'emplacement. Ouais. L'emplacement, c'est ça le plus important. C'est les ombrages potentiels, partiels, selon les saisons. Tout ça, on le mesure évidemment. Ça doit être mesuré d'ailleurs. C'est obligatoire. Et en fait, tout type d'installation peut être, selon l'emplacement, une installation idéale. Nous, l'idée, c'est de s'adapter déjà à la maison, parce qu'on travaille pas sur du neuf, on travaille sur de la rénovation. Donc, il y a des clients qui le voient pas du tout sur leur toiture pour des questions esthétiques, pour des questions aussi pratiques. Si la toiture, elle est vétuste, les panneaux, ils sont là pour une trentaine d'années. Donc, il faut pas avoir une toiture à remplacer. Ça s'installe au sol, sur un carport, en toiture. L'idée, c'est de s'adapter. On trouve toujours une solution. Après, avant de penser à l'installation de panneaux solaires, il faut déjà voir si, oui, techniquement, c'est possible. Et légalement, est-ce qu'il y a, législativement, est-ce qu'il y a des contraintes ? On a moins de contraintes au sol. En toiture, on fait une simple déclaration préalable à la mairie. C'est relativement simple. Hein. Ça s'installe vraiment facilement. Et c'est vrai que c'est démocratisé. On le voit aujourd'hui. On en voit sur beaucoup de toitures. Mais après, voilà, ça ne se prête pas non plus à chaque installation. Il y a aussi, nous, dans notre cas, beaucoup de clients qu'on rencontre à qui on dit, voilà, par rapport à ce que vous en attendez, c'est pas le solaire qu'il faut chez vous. Orientez-vous plutôt peut-être vers d'autres solutions. Mais voilà, ça ne s'adapte pas à tout le monde non plus, le photovoltaïque. Ok. Pour résumer, en fait, chaque projet, chaque type d'installation est unique. Elle doit être étudiée individuellement. Mmh. Comme le disait Teddy tout à l'heure, ça peut pas être fait par téléphone, ça peut pas être fait à distance. Il faut se rendre sur place. Il faut faire une étude globale de l'emplacement de la maison, des différentes toitures ou de l'installation au sol potentiel pour maximiser, en fait, la possibilité d'autoconsommation, justement. Et pour ça, on appelle le triangle autoconso dont on parlera en troisième partie d'émission. C'est ça? Par exemple. Mais c'est vrai qu'on profitera aussi de cette chronique, justement, pour l'expliquer dans tout corps de métier, parce qu'aujourd'hui, qu'on soit installateur de fenêtres, qu'on change des tableaux électriques ou qu'on installe des pompes à chaleur, c'est un peu le même principe. C'est qu'il faut avoir affaire à un professionnel qui prend le temps d'étudier, pas une entreprise qui vient de je ne sais où et qui pense juste à faire une installation avec les produits les moins chers possibles. Voilà, la proximité aujourd'hui, ça a quand même du sens. Et quand on est embêté, son panneau solaire, on le renvoie pas par la poste, quoi. Donc c'est important d'avoir de la proximité et d'encourager justement le local dans l'artisanat. Pour avoir un suivi, une bonne expérience utilisateur de cette nouvelle technologie. Exactement. Il faut bien garder en tête que si on a un problème sur son installation, personne d'autre ne viendra toucher à l'installation qu'une autre entreprise a effectuée. Il y a des garanties qui sont très contraignantes, il y a des assurances qui sont très très chères. Donc les entreprises, il faut vraiment faire confiance aux entrepreneurs locaux et aux entreprises qui ont pignon sur rue pour pouvoir... installer correctement. Et maintenir et dépanner l'installation. Et maintenir et dépanner l'installation. Ok. Très bien. Ok. On parle de quoi dans un instant, Teddy ? Eh bien, dans un instant, on va parler d'un sujet, les heures creuses qui passent la journée. Voilà, c'est. On avait avant toutes nos heures creuses qui étaient quasiment pour la plupart des foyers la nuit. Certains en avaient aussi la journée. Mais maintenant, ça va se généraliser avec une tranche horaire dans laquelle on aura des heures creuses de la journée aussi. Eh ben alors, bougez pas si vous voulez faire des économies. Nous, on écoute Foster the People sur Radioactive et la chronique Autoconso, ça revient. Thank you. la chronique autoconso avec Triangle sur Radioactive chaque mois avec Julien et Teddy qui sont avec moi. Et une question que vous nous avez posée hein, sur les réseaux, allez sur le Facebook de Radioactive pour poser toutes vos questions à Julien et Teddy. Ce mois-ci, on a une question sur les heures creuses. C'est quoi les heures creuses? Alors, les heures creuses, donc c'est Michel qui nous a posé la question de savoir, parce qu'il a entendu parler que les heures creuses, donc lui, il en a que la nuit aujourd'hui, elles allaient être décalées en journée. Et en effet, les heures creuses arrivent en journée. Alors, qu'est-ce qu'une heure creuse? Une heure creuse, c'est simple. C'est un moment dans la nuit ou dans la journée où l'électricité est moins chère que sur les heures pleines. Donc ça, c'est le bénéfice pour les particuliers. Et pour ceux qui produisent de l'énergie, ça sert à quoi de mettre des heures creuses? Alors aujourd'hui, ce qu'on constate en fait, c'est que sur le réseau électrique, on a des pics de consommation qui sont plus forcément corrélés à la réalité de ce que souhaite Enedis aujourd'hui pour Enedis. Okay. Ce qui est intéressant, c'est d'avoir une consommation qui est lissée. Et on a aujourd'hui beaucoup de production en journée, beaucoup de consommation la nuit, et ça correspond plus réellement à l'équilibre du réseau électrique. Et donc, dans l'idée d'envoyer les heures creuses plutôt en journée à l'avenir, c'est ce qui va se passer. Ça va permettre de lisser la consommation et d'absorber aussi la production photovoltaïque qui est très importante en France, de plus en plus importante. Ouais, c'est pour ça que ça a changé. Exactement. Donc l'idée, c'est tout simple en fait, hein. C'est de pouvoir lancer ses appareils, programmer ses appareils aujourd'hui en journée, soit quand on est au travail ou quand on a la chance de pouvoir être présent en journée. Donc tout ce qui va être effectivement machine à laver, production d'eau chaude, etc. Très très simplement pour lisser sa consommation tout au long de la journée plutôt que de déporter systématiquement la nuit pour essayer d'attraper ses heures creuses. Donc bénéfice pour le consommateur et aussi pour le producteur d'énergie en fait. Ouais, tout le monde est gagnant. C'est quoi. Plus facile de consommer la journée au final. Ouais, ça évite d'être dérangé à 2h du matin par la machine à laver qui fait du bruit quoi. Exactement. Exactement. Et si Michel s'inquiète, il a rien à faire. En fait, tout va se faire automatiquement. Alors les fournisseurs se donnent jusqu'en octobre 2027 pour amorcer, on va dire, le changement sur l'ensemble. On a déjà des clients aujourd'hui qui sont passés aux heures creuses, ça concernera à peu près 11 millions de foyers. Okay. Et faut juste qu'ils puissent surveiller ses mails, parce qu'il va sûrement recevoir un mail si c'est pas déjà fait dans les prochains mois pour l'informer, mais le basculement se fera automatiquement et naturellement il n'a pas à s'inquiéter. Ok, eh bah, j'espère qu'on a répondu à ta question Michel. Faites comme Michel, hein. Allez sur la page Facebook, posez vos questions, le mois prochain on y répondra. Dans un instant on parle de votre société Triangle Autoconso, ça sera la thématique. Chaque mois on fera un petit focus sur une entreprise et pour commencer, quoi de mieux que de faire avec les protagonistes de l'équipe, j'ai envie de dire. On écoute Caroline sur Radioactive et Triangle Autoconso qui revient. Oui, je me souviens comme c'est ordinaire. Un pays lointain, la France est mon frère. Tu l'entends. Un tour et plus rien que ce goût amer d'avoir été là et de ne rien faire. Tu m'entends, je suis lâche et tu m'indiffères. Le rien à foutre de mon pays, ces gens, mais tu m'exaspères. Mais tout est triste dans ton camp. Je regarde autour, je vois ces barrières. Si j'avance à mon tour, le coup par derrière, je le prends. Sécurité, mon cul et les mains en l'air. Pour avoir la paix, cultive la misère. Tu comprends, je suis lâche et tu m'indiffères. Plus rien à foutre de mon pays, ces gens, mais tout m'espère. Mais tout est triste dans ton camp, il faudrait tout envoyer en l'air, un bel éclat. Il faudrait pouvoir brûler ces terres, un bel éclat, un bel éclat. D'un pommier en fleurs, j'irai mélanger les couleurs pour pouvoir dire dans mon pays la liberté n'est pas un cri. J'irai leur dire à ces salauds qu'il avait bien raison et oh, qu'à trop nous prendre pour des cons. Un jour, nous la deviendrons. Je suis lâche et tout m'indiffère. Plus rien à foutre de mon pays, ces gens, mais tout m'exaspère. Nouveau rendez-vous sur Radioactive, la chronique Autoconso, Julien et Teddy qui sont avec moi de l'entreprise Triangle Autoconso. Alors déjà Julien, est-ce que tu peux te présenter ce que tu fais comme travail? Oui, tout à fait. Donc moi c'est Julien, je suis chargé d'affaires chez Triangle Autoconso. Mon métier c'est d'accompagner nos clients professionnels et particuliers dans leur démarche de réduction de facture d'électricité. Puisque c'est le principe de l'autoconso, la facture ça concerne absolument tout le monde. Donc on va traiter autant avec les particuliers qu'avec les professionnels, TPE, PME, artisans, agriculteurs. On englobe tout le monde puisque la facture concerne absolument tout le monde. Triangle Autoconso c'est avant tout une entreprise française et c'est une entreprise locale. Ok. Donc voilà. Quand tu dis local, c'est-à-dire nous, Radioactive, c'est la Touraine, sauf si vous écoutez sur Internet, évidemment. Ça couvre quel territoire exactement? Nous, on est basé dans le Loir-et-Cher, à Vendôme, à côté de Vendôme. Et on englobe aujourd'hui toute la région centre. Global. Et on a aussi des bureaux à Mont-Louis-sur-Loire. Et on a aussi des bureaux à Mont-Louis-sur-Loire. D'être au plus proche de nos clients. Voilà. En fait, c'est qu'on est, on fait partie du groupe Triangle, qui est un groupe solide qui existe depuis plus de 30 ans et qui est installé dans le Loir-et-Cher. Et dans ce groupe, on a aujourd'hui 1000 collaborateurs dans les différents métiers du bâtiment et du photovoltaïque, donc de la grande ombrière pour les supermarchés à la toiture résidentielle, en passant par les hangars photovoltaïques, et on est vraiment scindé en filiales avec chacun nos corps de métier et nos spécificités. Et on est quand même un acteur reconnu sur le marché. Aujourd'hui, on représente environ 15% du marché photovoltaïque agricole en France. Et du coup, depuis 2022, on a choisi de mettre cette expérience au service des particuliers, des professionnels dans l'autoconsommation, donc la réduction des factures d'électricité. C'est quoi l'état d'esprit et puis le parcours pour arriver là? Nous, on veut absolument garder un esprit local. Nos équipes seront toutes basées dans le Loir-et-Cher et en Indre-et-Loire. On travaille vraiment dans un suivi très proche. On est toujours très proche de nos clients et on vend pas vraiment un produit, on accompagne sur un projet. Donc le but, c'est la réduction de la facture d'électricité encore. Et c'est un projet qui doit être étudié et qui doit être pertinent pour chacun de nos clients. Alors justement, voilà, je me place dans la peau d'un client potentiel. Je suis intéressé parce que j'ai entendu parler du solaire et toutes ces nouvelles énergies. Comment je fais? Je vous appelle? Oui, on peut nous appeler directement. On peut nous contacter aussi sur nos réseaux. On peut nous contacter, de différentes manières et sur notre site internet surtout, où on peut remplir un petit questionnaire qui permet de prendre contact directement. Donc ça, c'est avec, le début du processus. Avec moi, Teddy ou l'un d'entre nous. Ok. Directement. Et après, comment ça se met en place? Une fois que un client nous contacte, en fait, ce qu'on est amené à faire, c'est qu'on va prendre rendez-vous, on va se voir chez lui, on va étudier toute la faisabilité déjà technique. Est-ce que lui attend du projet? Est-ce que c'est de réduire un petit peu la facture d'électricité, beaucoup, chercher un peu plus d'autonomie? On va récupérer ses consommations réelles toutes les 10 minutes sur une année pour dessus mettre en parallèle une production solaire et faire différents scénarios, différentes simulations pour lui proposer un ou deux projets à l'issue d'un second rendez-vous pour qu'ils puissent se rendre compte déjà de ce qu'il est possible de faire ou pas avec le solaire et de financièrement ce que ça peut amener comme coût. Ouais. Et l'idée, c'est de, en fait, on personnalise vraiment l'intégralité du projet. Et l'idée, c'est d'avoir, chez Triangle Autoconso, c'est un peu d'avoir l'agilité d'une entreprise locale avec quand même l'appui d'un groupe solide pour aussi apporter, voilà, de la fiabilité, de la pérennité, de la sérénité pour les installations qu'on propose à nos clients. Et qu'est-ce que vous proposez justement comme solution? Il y a différentes possibilités, j'imagine. Bah, dans un premier temps, on prend vraiment le temps d'écouter nos clients, de déterminer leurs besoins, et à ce moment-là, on peut leur proposer effectivement plusieurs solutions, notamment des solutions d'installation en toiture, c'est ce qu'on fait quand même le plus souvent, des solutions d'installation au sol également quand c'est pas possible sur une toiture, et on fait aussi par exemple des carports solaires. Okay. Donc on peut compléter toutes ces installations là avec du stockage, on en a parlé un petit peu en première partie, et le but, c'est de répondre avant tout à la demande, de comprendre le besoin de nos clients et de répondre à la demande de nos clients. Et on a même la possibilité sur ces installations, alors donc comme le disait Julien, hein, d'ajouter des batteries de stockage, mm-hmm. par exemple, c'est pas une obligation, mais on en a la possibilité, et on a aussi la possibilité de piloter des appareils, par exemple comme le chauffe-eau électrique, dire au chauffe-eau, tiens, là il y a du surplus d'électricité, je produis plus que ce que je consomme, par exemple je suis pas chez moi dans cette journée là okay. et ben du coup je vais recentrer ma production pour déclencher mon chauffe-eau et que l'utilisation, la chauffe du chauffe-eau soit gratuite. Ok. Et dans les solutions que vous proposez, est-ce que quelqu'un qui n'aurait pas l'électricité chez lui, est-ce que vous proposez des choses, ce qu'on appelle du off-grid en fait, c'est-à-dire hors réseau complet, est-ce que vous le faites ça aussi? Donc oui, en effet c'est possible. Alors après, faut voir ce que l'on entend. Dans l'idéal, quand on va chez des particuliers, souvent ce qu'ils attendent, c'est de ne plus du tout être raccordé au réseau. Ça, c'est plutôt un mythe qu'une réalité parce que on consomme relativement beaucoup quand même l'hiver quand on a un chauffage électrique. La production photovoltaïque est moins importante. On a par exemple, par contre, en site hors réseau, installé un ball trap dans le Dunois. On fait des cordes, des relais de chasse, des points d'eau, là, sur des sites autonomes. Mais on va dire que c'est... pas à usage d'habitation. C'est possible. Après, ça veut à usage d'habitation, ça demande une installation plutôt conséquente. Ouais. Et ça demande aussi du coup une gestion des usages et de se dire que le 25 décembre, si je veux avoir un peu de chauffage électrique, c'est pas possible avec des panneaux solaires, quoi. Ouais. Après, ça veut dire qu'il faut revoir peut-être aussi toute l'installation qu'il y a derrière. Là, tu parles de chauffage électrique, peut-être avoir des choses qui consomment moins aussi, ballons d'eau chaude et compagnie, pour avoir la lumière effectivement le 25 décembre et un petit peu de chauffage. Et d'accepter de ne pas avoir d'électricité par moment. Donc c'est pour ça que sur des foyers, on va dire que c'est très très peu utilisé. Après, quand c'est sur des usages, voilà, ça va plutôt s'y prêter sur un site qui est déjà hors réseau, ouais. où les gens veulent apporter du confort. Bah tiens, j'ai un coin de pêche, j'ai envie d'y mettre un frigo, j'ai envie d'y mettre une tireuse à bière par exemple, une machine à café, et recharger un peu tous les appareils portatifs. Ça, c'est des choses, c'est pratique. Okay. Mais c'est vrai qu'on entend beaucoup de particuliers qui disent j'aimerais bien être complètement autonome, débranché du réseau. C'est techniquement possible, ça demande une très grosse surface de panneaux solaires, et en fait réellement là après on va parler de coûts, et souvent c'est pas réellement ce qu'on cherche au final. Ouais. Et puis en plus, ça veut dire que si on produit j'imagine beaucoup plus l'été que l'hiver, il y a une grande partie de la production qui l'été est perdue, alors que l'hiver on en demanderait. Donc en fait, le fait Exactement. De revendre au réseau, ça permet aussi un flux qui est beaucoup plus optimisé finalement. C'est ça. Exactement, c'est pour ça que finalement l'autonomie totale aujourd'hui elle est très difficile à acquérir, voire presque impossible. Quand on est, comme l'a dit Teddy tout à l'heure, sur éventuellement du saisonnier, c'est-à-dire que voilà, un petit chalet au bord d'un étang ou autre, c'est des choses qui peuvent fonctionner de avril à septembre, en gros, mais après, c'est un petit peu plus compliqué. Après, par contre, une des solutions qu'on propose, alors ça c'est pareil, ça reste des solutions qui restent onéreuses, donc on l'étudie vraiment au cas par cas, mais on a par exemple des clients pour qui le métier fait qu'ils peuvent pas se permettre d'avoir une coupure d'électricité. Julien, ouais. Par exemple, a installé dernièrement un client qui est informaticien, donc avec les serveurs de ses clients, en cas de coupure, il faut bien qu'il puisse continuer à avoir de l'électricité, donc on n'est pas sur des appareils. Site internet. Exactement, ultra énergivore, donc on a installé un système en fait de backup qui permet, lorsque l'on a une coupure sur le réseau, de basculer vers la batterie de stockage et l'installation photovoltaïque pour lui éviter des coupures. Donc mais là, ça, c'est pareil. Du secours, quoi. Exactement. Il a un rôle de groupe électrogène. Ouais, c'est ça, ouais. Quoi. C'est-à-dire qu'il coupe directement. Je crois que c'est en 10 millisecondes. Hein. On voit à peine les lumières clignoter. Il prend le pas et en fait, il permet d'avoir une certaine autonomie dans la limite, évidemment, du stockage installé de la batterie. Très bien. Des choses à rajouter sur Triangle Autoconso? Non, je pense qu'on a réussi à être assez clair. Voilà, l'idée, c'est que pour nous, notre vision du photovoltaïque, c'est d'accompagner chaque personne vraiment dans le détail. On est là pour prendre le temps. Il n'y a pas de petits projets chez nous, il n'y a pas de gros projets. L'idée, c'est de se dire que quand on est appelé, on prend le temps d'étudier les factures, d'écouter le besoin des clients. Je dis souvent que pour un même client, on peut avoir 10 projets différents. Ouais. Donc on s'adapte à lui et chez nous les gens n'achètent pas un kit mais bien un suivi et une personnalisation de l'offre. Le moyen de vous joindre, c'est quoi? Vous avez un téléphone, les réseaux sociaux, j'imagine? Alors, on a tout ça, effectivement. Donc, on a un site internet, donc triangle-autoconsommation.fr. Si on veut nous joindre directement par téléphone, on retrouvera Anne au standard de l'entreprise au 02 54 23 38 18. Elle est gentille, Anne. Elle est très sympa. Ouais. Faut pas hésiter à l'appeler. Et elle est bavarde, par contre. Faut avoir un peu de temps. Et après, on est donc sur tous les réseaux, Facebook, LinkedIn, Instagram. Et d'ailleurs, vous le savez, en avant-première, au mois de janvier, on lancera un jeu concours pour faire gagner une installation photovoltaïque de 2 panneaux au sol. Okay. Voilà, donc pour super. Amortir un petit talon de consommation sur l'année. Mm-hmm. Donc n'hésitez pas à vous tenir informé sur nos réseaux et on lance ça dès le mois de janvier. Super. N'hésitez pas à nous suivre surtout. Sur tous nos réseaux, Facebook et Instagram. Ouais. Et puis, on parlait tout à l'heure des questions que vous pouvez poser. Vous pouvez nous les poser sur la page de Radioactive, mais également sur vos réseaux. Surtout, n'hésitez pas. On se fera un grand plaisir d'y répondre. Le mois prochain, nouvelle chronique autoconso. On a déjà le sujet vous voulez qu'on... On parlera sûrement de la fin des tarifs réglementés de l'ARENH. Donc voilà, c'est un sujet, fin des tarifs réglementés, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça va engendrer comme sur nos factures d'électricité concrètement? Ok, très bien. Donc, nous, on se retrouve très vite sur Radioactive. Et puis le retour du son Rock Live, c'est maintenant. À bientôt, salut les gars!